première chanson, notre première chanson, notre première chanson, notre première chanson, notre première chanson, notre première chanson, notre première chanson, chanson, première chanson, notre première chanson, notre première chanson, la la la. Première chanson, première chanson, première chanson, première chanson.